never meant to cause you any pain. Thank you.

Siule, siule, siule. ça s'attendait beaucoup moins de tous les gens à cette table. Mon bateau en très profond naviguer une direction et aller loin. J'ai très très peur mais beaucoup moins.